la plus grosse pierre et m'a enterré très loin sous terre. Ne plus rien voir de ceux qui m'entourent, abandonner la lumière du jour, courir jusqu'à devenir fou, jusqu'à ne plus savoir où se trouve l'endroit et l'envers. Où c'est chez moi, suis-je bien sur terre? De cette planète, pouvoir espérer changer de tête, ne plus être un homme et recroire au compte de l'humanité, ne plus avoir honte, devenir un héros pour ce que je suis. Pourtant tu sais, je ne sors que la nuit, sauver les étoiles avant qu'elles ne pleurent, sauver la lune avant qu'elle ne meure. Ne plus courir après l'heure quand je me lève, et avoir du temps pour croire en moi, en autre chose qu'à un dieu, un bouddha, qui n'engendrèrent que du sang sur les doigts, des hommes enragés au milieu des combats. Moi le seul que j'ai ne blessera personne dans mes chansons, toujours un peu conne.